Sinistros et moi venons de passer les 8 derniers mois, les mardis soirs, à vous divertir et en tentant de vous instruire. Mais à ce niveau, nous avons baissé les bras depuis longtemps. Il est donc temps pour nous de se réclure dans le laboratoire et la morgue pour les 4 prochains mois afin de se consacrer à ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire rater des expériences de réanimation post-mortem. Mais surtout, prendre congé de vous, bande de clowns. C'est donc ce soir la dernière édition ou addiction de la saison du Undead Incorporated Show. Et ce, jusqu'au retour en septembre prochain. Mais ne pleurez pas, puisqu'il vous reste tout de même encore 2 heures de souffrance. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant. Surtout lorsque dans leur salle d'attente, que le délai indique que le prochain patient sera rencontré dans 4 mois. Venez donc à notre clinique. Nous sommes beaucoup plus rapides que tous les autres. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause E and I said so. Let's go. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition du 21 mai de l'an de disgrâce 2019, ainsi que la dernière édition de la saison. Bon, corrigeons, de la saison. C'est des... Ben, en fait, c'est de la saison et quart, puisqu'on nous sommes au printemps et nous ne serons pas là l'été prochain. Ben, l'été qui s'en vient, donc c'est plus qu'une saison. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de de celui qui se prend pour... tu fais du pilates ou quoi, là? Je sais pas trop. Absolument, absolument. Remarque que les saisons sont très longues, réanimation. Ah, qui le dis-tu? Bon, tu vois, tu me donnes l'urticaire de la gorge. Eh oui, je te fais rire aussi, semble-t-il, lorsque je fais mon lip-sync. C'était tout un lip-sync. Tu fais du airbase. Oui. Cette semaine, c'est la dernière édition, comme on le disait, pour réanimation, et ce, jusqu'en septembre prochain. Mais c'est aussi le segment mensuel. Ah non, ah, pas oui. Celui-là! Hey, mille pardons. Et qui s'attardera au Mechanical Surgery. Eh oui, l'incontournable Mechanical Surgery. Qui cette semaine, ou ce mois-ci, si vous préférez, sera quand même, somme toute, relativement un peu plus hard. Donc, si vous aimiez pas ce qu'on avait fait par le passé, bon, on s'en fout! Effectivement. Voilà. On vient d'entendre comme premier bloc d'ouverture de Toronto. Ça, c'est en Ontario, Sinistros. Oui, je sais. C'est pas dans les Maritimes, comme tu le crois, non, non. Là. Ben, je... Des fois, la carte à l'envers, tu sais, tu poses quelque chose. La carte à l'envers. Écoute. Oui, c'est vrai que ça peut être mêlant. Vous pensez que c'est au Manitoba, là, mais c'est... Pile Driver est pièce tirée du premier album de Pile Driver, qui est un one-man band d'une certaine façon. Human Sacrifice, de cet album Metal Inquisition, qui est paru en 1984 sur Cobra, juste avant de San Francisco en Californie. Metal Church et la pièce Metal Church de l'album Metal Church. Hein, c'est assez éponyme, ça. Très concept. Ouais. Premier album paru du groupe en juillet 84 sur Ground Zero. Encore un, je dois le dire, un des albums fétiche au niveau du métal. Oui, mais à l'époque, quand c'est sorti, ça avait comme passé sous les radars, ça. Un peu, oui. Je sais pas pourquoi, parce que moi, j'avais vraiment accroché sur l'album. Oui, moi aussi. Ben, écoute, il y a... Tu sais, en 84, on a eu une espèce de petite effervescence. Une flamèche. Ouais, puis là, peut-être que les gens ne savaient plus trop sur quoi se tirer, quoi écouter. Donc... On s'en allait en Allemagne, on restait aux États. Qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas. Allons au Québec? Oui. Et on a ouvert avec The Copenhagen au Danemark, Merciful Fate et la pièce Dangerous Meeting, pièce d'ouverture de ce deuxième album, Don't Break the Health, qui est paru le 7 septembre 84 également. C'était un concept qu'on a fait finalement. Ah, c'est tout un concept, fallait le trouver. Hein. C'était involontaire. Sinon, je pense qu'on va aller en pub tout de suite. Avant Si on veut continuer nos niaiseries. Ben oui, t'en fais jamais de ça. Hein. On revient. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Les Aigles de Trois-Rivières et CFO 89.1 s'associent à nouveau cette saison. Tous les matchs à domicile de saison régulière ainsi que tous les matchs de séries éliminatoires seront diffusés à notre antenne. L'équipe de diffusion vous promet toute une saison. C'est le temps d'écouter les Aigles. C'est Fou 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. Fou de rock. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Nous revoici, et cette fois-ci avec le premier bloc de Sinistros. Eh bien oui, tant qu'à rester dans le Golden Age du métal. Oh, le Golden Age! Nous allons continuer cette magnifique épopée de 1984 et 1985 qui fut... ça fut une époque grandiose pour les débuts du speed metal. On va se transporter en Allemagne... pour laisser faire le petit côté Amérique du Nord et Danemark. J'ai choisi deux groupes qui ont sorti des mini-albums ou des albums dans les mêmes années. Et l'un et l'autre se faisaient un peu la compétition, à savoir lequel était le moins tight. En fait, c'est ça. La compétition était inversée. C'était pas savoir qui était le plus tight, qui était le moins tight. Celui qui était le moins tight. Qui l'a remporté? C'est difficile à dire, mais d'après moi, Creator, Serène Lespain, ça fait pipique un peu, là. Il a réussi à virer à l'envers une couple de fois, là. Oui, et ça fait un effet quand même pas si mal. C'est cool. Involontaire. Involontaire. Deux premières parutions de ces deux groupes allemands, qui sont Creator et Destruction. Nous entendrons Endless Pain et Mad Butcher, respectivement, de ces deux groupes. Mm-hmm. Et c'est à vous qui incombe le choix de savoir qui est le plus ou le moins tight pour l'époque. Et c'est un... Moi, je vais dire... C'est un concours, voilà. C'est un concours. Si vous avez la bonne réponse, appelez-nous pas, on s'en fout. Ça plaît, ça. On donnera les réponses plus tard. Alors, allons-y, Creator, Endless Pain. Let's go. Ça rappelle tout le temps des souvenirs. Ben ça. Oui, c'est des excellents souvenirs de notre. À l'époque où moi j'avais à peu près 14 ans. T'avais 8 ans, toi. Non. T'as encore 8 ans. Ah ouais? D'âge mental, je parle. Ah oui, oui, ça c'est aussi. T'es en âge physique à l'époque, j'avais quelques 72 ou 73. Oui, parce que maintenant, t'en as 183. Non, je suis rendu à 228. Ah oui? Ah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anniversaires que je n'ai pas célébrés. Ben, c'est correct. J'espère que tu n'as pas des cadeaux rétroactifs. Non, pas du tout. Ah, OK, merci. Il y a le foot, ouais. Alors. Comme le Père Noël, Père Noël. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui est le gagnant du groupe le plus peut-être de l'époque? Tout-tu mon avis? C'est pas mal Execo. Ben, pour les deux, je dirais que. En fait. Ben, c'est pas c'est ça, le Creator. Creator était avec, ouais. Non, Creator l'emporte. Il a réussi à virer à l'envers deux fois dans sa tourne. Ouais, ouais, okay. Ouais, c'est. On vient d'entendre Destruction avec la tristement célèbre Matt Butcher, version originale qu'on retrouvait sur Sentence of Death, qui est paru le 10 novembre 1984 sur Steam Hammer. Toute une révélation quand ce mini-album-là est sorti. Ouais, oui. Une gang de flow de 15-16 ans qui arrivait de nulle part, puis. Let's go, on trash. Ouais. Puis okay. Comme je te disais, alors, je me rappelle que dans ces belles années-là, Aggression faisait des covers, faisait pas mal de covers, puis entre autres faisait Matt Butcher, mais comme je sais pas combien de fois plus vite là, c'était dangereux, dangereux. Mais je me rappelle la première fois d'être rentré dans le local de pratique d'Aggression, ou ben le local de pratique, j'aurais dû appeler ça un garde-robe là. Le garde-robe de pratique. Absolument. Il y avait tu rentrais, puis si tu ouvrais la porte trop vite pendant qu'il pratiquait, ben tu venais de claquer la guitare de Sasquatch. Ah, c'est bien. Puis tout de suite après à côté de la porte à la gauche, il y avait un divan qui sur lequel était empilé une panoplie de jeunes fans, tous plus empilés les uns que les autres. Il y avait deux pieds, il y avait Sasquatch, Butcher le chanteur, Doug, le bassiste, et Cordé, un petit peu plus en arrière, Burn, le guitariste, puis le gros stage à drum qui était à peu près de 4 pieds de haut sur lequel Gage jouait. Tu ouvrais la porte, puis tu collais dans le mur. Ah oui, tu collais dans le mur, c'était G3, là, tu sais. C'est vraiment drôle. Et on a entendu également Creator avec Endless Pain, qui est paru sur le premier album, Endless Pain, 1er octobre 1985 sur Noise Records. Mais tu sais, cet album-là, là, Endless Pain, là, je le trouve pas mauvais pour autant. Non, là. C'est un très bon album. Là. Il y a des très bonnes idées, oui. Très bons riffs. C'était maladroit. Oui. Faut penser aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Y avait pas les producteurs n'avaient jamais enregistré de la musique extrême comme celle-là. Pas du tout, effectivement. Fait que c'était des one-take. Ouais. Généralement, vu que ça coûte cher enregistrer un album, on s'en va au studio, yes, on fait tourner one take. Ouais. Puis t'écoutes El Hammer, Apocalyptic Raid, c'est le même principe. Là, je sais même pas si c'est one take El Hammer. Ben, c'était. D'après moi, c'est half take. Half take, c'est ça. 18h39, vous l'attendiez, bien, il est de retour ce segment de Mechanical Surgery qu'on va débuter à l'instant. Et parce que on va faire ça, là, parce que nous autres, ça nous plaît beaucoup de le faire. Mais tout à l'heure, Sinistros et moi, on va avoir un vrai petit débat sur Game of Thrones. Ça va être drôle, super ça va être drôle, cool. Oh, oui, absolument. The worst is yet to come. Le meilleur reste à venir. On va débuter tout de suite sur Mechanical Surgery, ce dernier avant, je dirais, l'automne prochain, avec ma section à moi. Ma section à moi, c'est un pléonasme, ça. Bon. J'ai choisi des trucs assez relativement hard, je dois dire, même très métal par moment, histoire de vous laisser sur un bon souvenir. On va entendre donc Demande en aide Def Cult. On va entendre Fear Factory, parce que oui, Fear Factory, c'est un groupe qui fait partie du mouvement industriel. Ben oui, donc c'est impossible, ça. Depuis ce matin seulement. Ça se peut pas. On va y aller tout de suite avec une formation qui vient de Oslo, en Norvège, Red Harvest, et la pièce All In Me. Vous êtes en réanimation. We'll be right back.

Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion le Metal Show tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. Vous voulez participer à une soirée qui mettra en lumière des femmes qui s'impliquent activement dans des lieux de pouvoir de leur communauté? Soyez des nôtres lors de la 5e édition du Gala Mauricienne d'Affluence le 23 mai prochain. Laura Nikwe, auteure, compositrice, interprète Atikamekw, offrira une prestation lors de l'événement. Les billets sont en vente au coût de 50 $ au www.tcmfm.ca. Cet événement est une présentation de la table de concertation du Mouvement des femmes de la Mauricie, du Secrétariat à la condition féminine et de CIFU 89.1 FM. À la recherche d'aide dans vos démarches d'immigration ou d'installation, d'un emploi, d'une formation professionnelle ou tenté par la vie en région, trouvez les réponses à la 8e édition du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, organisé par Immigrants Québec. L'événement se déroulera les 29 et 30 mai prochains au Palais des Congrès de Montréal. Au programme, des conférences, des ateliers, un espace CV, des sessions de recrutement express, un photobooth et de nombreux recruteurs de premier plan dans tous les domaines. Toutes les informations sur salonimmigration.com. Fou de palmarès. 89.1. Pile, vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. Et on vient d'entendre la première partie de ce segment, The Mechanical Surgery, la partie du bon docteur que je suis, avec à l'instant de Kempen en Hollande, de Monolith Death Cult, et la pièce The Glock de Nazi Bell from Hell, qui est tirée de V1 versus It Will Burn Us Without Leaving Ash, qui est le 6e album paru de la formation le 5 mai 2017 de façon indépendante. Très bon album, très très bon album. Juste avant, nous avions de Los Angeles en Californie Fear Factory et Difference Engine, qui est Engine, c'est vrai, tiré de The Industrialist, qui était le 8e album du groupe, qui est paru le 5 juin 2012 sur Candlelight. Et nous avons ouvert avec Red Harvest, une formation de Oslo en Norvège, et qui nous proposait ce 7e album, Greater Darkness, et la pièce All in Me. 7e album, comme je l'ai dit, paru le 17 février 2007 sur Season of Mist. Et ce qui est intéressant avec Red Harvest, c'est que c'est une formation qui est plus ou moins connue, qui a débuté en tant que formation trash metal, mais qui s'est convertie au fil du temps au niveau industriel. Ah, les coquins. Ben oui. Et il y a quand même 7 albums, effectivement. Moi, j'avais arrêté de les suivre avec Cold Dark Math. Non, c'est vrai. Sick Transit Gloria Mundi en 2002. Mais j'ai redécouvert le groupe après ça avec Eternal Punishment Programs de 2004. Et bien sûr, Greater Darkness, qui lui démarque vraiment leur tangente beaucoup plus industrielle. Sinistros, tu poursuis? Eh bien oui, moi j'ai choisi un petit bloc très fin des années 80, où l'industriel commençait à se mélanger au métal. Ben, l'industriel était très fort à l'époque. Très, très, très, très, très fort, et qu'on a eu des souvenirs, du plaisir beaucoup musical à cette époque. Beaucoup. Vous savez, Uncle Al Jorgensen, il n'a pas juste fait Ministry. Non, il était dans beaucoup de choses. Il est l'instigateur d'un mouvement qui s'est propagé à travers la planète par la suite. Fait qu'il a fait beaucoup de projets avec des gens qui sont très connus. Mm-hmm. Je vais vous mettre 3 de ces projets-là, back à back. Ouais. Le premier projet, c'est qu'ils ont fait juste 2 12 pouces. Oui. 12 pouces, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est à l'époque des vinyles. Pour ceux qui ne connaissent pas un vinyle, c'est une espèce de galette faite en plastique où ce qu'on écoutait la musique. Oui. Ça fonctionne pas avec les CD non plus. C'est un gros CD. C'est un gros CD avec des espèces de craques dedans. Fait qu'ils ont sorti deux singles, mais ça, c'est Thousand Homo DJs, ça s'appelle. Et ouais. Non, c'était pas une gang d'homosexuels. Non. C'est un nom qui est apparu quelque part comme ça. Ouais, mais c'est pour Homo et pour Homo sapiens. Ouais, une affaire comme ça, là. Ouais. Ça, c'est. Il y a Trent Reznor là-dedans. Qui n'est pas crédité, par contre. Ben y a, oui. En tout cas, il y a un paquet de noms. T'as des gars de Front 242, t'as des gars de. Ça réunissait un paquet de monde. Buttercourt Ringworm qui était en ça. Puis Al Jorgensen était sous le nom de Buck Satan avec Buck ça. Buck Satan. Et maintenant, Buck Satan, c'est 666 Shooters. Exact. On va entendre la pièce Apathy qui est vraiment un must pour l'époque. Mm-hmm. Ça va être suivi de Lard. Lard, c'est un projet entre Al Jorgensen, William Rifflin, Paul Barker et Jello Biafra. Jello Biafra. C'est pas The Poser of Lard, c'est The Power of Lard. Oui, c'est ça. Oui. Qui ont fait quelques albums, mm-hmm. Dont The Last Temptation of Ray, des 2-3 par après. Je vais vous mettre le premier 12 pouces qu'ils ont fait, qui est de The Power of Lard. Mm-hmm. Et ça sera suivi de Palehead. Ouais. Palehead qui réunit encore Jorgensen, ouais. Rifflin et Paul Barker, mais cette fois-ci avec, j'oublie son nom, Ian McKay. Ian McKay de Fugazi. Et de Minor Threat. C'est vrai. Ça va être I Will Refuse. Ça, c'est un classique des classiques de cette époque. On a détruit des pistes de danse avec ça. C'était vraiment épouvantable. Alors, Thousand Homo DJs, Apathy, sur Wax Track Suckers, à réanimation. Let's go. run our personal life. Someone to see that the plants are watered. Someone to make sure the place is clean. Someone to make sure dinner is waiting. Someone to call for theater tickets. Someone to make up those cheap excuses. What we need is lost of the mind. encore une fois que de souvenirs. Eh oui, Palehead avec I Will Refuse, Palehead dans lequel figuraient des membres de Ministry ainsi que Ian MacKay de Fugazi et de Minor Threat. C'est paru en 1987 sur le 12 pouces I Will Refuse My Nobody. Sur Wax Trax Records, nous avons eu Lard avec The Power of Lard. C'était paru sur The Power of Lard EP, qui comprend toujours trois pièces. Ah bon. C'est paru en 89 sur Alternative Tentacle, que le label Joe Biafra. Et Thousand More DJs avec la pièce Apathy, qui est paru sur le 12 pouces Apathy en 1988 sur Wax Trax Records, qui était le label de Al Jorgensen. Ouais, ce sont tous des premières parutions pour les trois groupes. Il est 20h22, nous allons faire une pause publicitaire et par le suite, ce sera Clash of the Titans. Dans le cadre du 50e anniversaire de l'Expo de Montréal, les Aigles de Trois-Rivières leur rendent hommage. Tous les jeudis de la saison, les Aigles porteront une défense spéciale aux couleurs de nos amours. Cette soirée se veut un retour dans le temps puisque le cabaret Le Memphis s'occupera de l'ambiance musicale sur la terrasse avec des succès rétro. C'est le temps d'être nostalgique. Une invitation de CIFU 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death, me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme de plus extrême. Sur Sifo 89 du côté gauche, la bande de film en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifo 89.1. Et vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, c'est jusqu'à 21h, pour la dernière fois, jusqu'en septembre. Mais là, Sinistros et moi allons se confronter littéralement. Oui, tu peux t'exercer, effectivement, ça va être le cas. Se confronte littéralement sur notre appréciation de cette 8e et finale saison de Game of Thrones, qui s'est terminée dimanche dernier. Attention, tout le monde. Ceux qui n'ont pas terminé d'écouter la saison... On va essayer de ne pas spoiler, mais bouchez les oreilles, ça se peut que... Elle est quand même terminée. Là. Elle est terminée. Bon. Fait qu'on va essayer quand même de... On va respecter ceux qui n'auraient pas eu le temps de la finaliser, mais on va essayer d'être le plus correct possible. On va remettre les choses en contexte pour commencer. Ben oui. Si tu veux. Ben regarde. La Grande Guerre arrive dans cette ultime saison. Les Marcheurs Blancs ont franchi le mur et sont arrivés à Westeros. La lutte tant acharnée pour le très convoité Trône de Fer touche à sa fin. Qui siégera sur le trône? Qui remportera cette guerre? Qui gouvernera le royaume des Sept Couronnes? Eh bien, remettons les choses en contexte. Il y a quelques mois, tu m'avais clairement signifié que je devais de recommencer à écouter toutes les saisons pour être capable de comprendre la dernière. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Absolument. C'est une chose que j'ai pas faite. Ben écoute, à ta défense. À ma défense. Ce que je dirais sur ça, c'est que je te conseillais de le faire. Oui, tu me conseillais de le faire. Parce que c'est un monde qui est très complexe, qui a énormément de personnages, qui ont pas tous le même niveau d'importance, mais qui ont toujours un petit quelque chose à voir avec quelque chose à voir. Alors moi, j'ai écouté la 8e saison avec mes yeux de personne qui a suivi de la saison 1 à la saison 8 à mesure que ça sortait. Mm-hmm. Donc, j'ai pas revisité le truc au complet. Pour ma part à moi, la 8e saison m'a déçu. D'accord. Je dis pas que c'est pas bon. Mais explique-toi. Ben, il y a certains trucs qui ont été mis de côté. Moi, j'ai trouvé que ça avait été un petit peu précipité par rapport à la saison 7 ou par rapport aux autres saisons. Tout le long, on a une espèce de build-up de personnages. Tu sais, chaque petit personnage, comme Arya Stark ou Sansa, tu vois tout ce que ça s'enligne. Tu sais, c'est... Là, on dirait que ça a été comme pitché beaucoup. Là, tu sais. Tu vois pas trop ce qui se passe avec Sansa dans cette huitième saison-là. Tu sais. Tu vois un peu Sansa, mais tu sais, c'est comme si les personnages étaient comme laissés un petit peu de côté pour laisser place à l'imagerie et à la grande bataille, c'était mieux. Tu sais. Fait qu'on a laissé le côté psychologique des personnages pour se livrer vraiment à la guerre à Westeros. Ça, c'est quelque chose qui m'a déplu un petit peu. Sachant que les autres saisons, ben, tu sais, on s'attache aux personnages, oui, mais on comprend surtout la psychologie de chacun d'eux. Il y a des personnages comme le Night Walker, qui est le roi de la nuit, oui. Où ce que pendant 3, 4, 16, peut-être 5 saisons, c'est l'ennemi numéro 1. Ben, en fait, c'est 3. 3 saisons. Oui. Il fait peur à tout le monde, puis on sait pas trop comment est-ce qu'on va le planter. Je trouve qu'il a été... Attention, spoiler. Il a été planté un petit peu trop rapide. J'aurais aimé ça qu'il développe un petit peu plus long. Du moins qu'il se batte un petit peu plus, là. Tu sais, là, il a pas fait grand-chose, puis il fait pouf, deux coups secs. Mais en fait, il a jamais fait grand-chose. Effectivement. C'est pas lui qui c'était ses morts de main, et non pas ses hommes de main, mais ses morts de main qui faisaient le boulet avec ses généraux. C'est ça. Il a jamais fait grand-chose à part apparaître, puis je dirais imposer une certaine crainte, là. Mais c'était pas le personnage le plus actif. Effectivement. Mais continue. Oui, non. Il y a certains trucs, tu sais, comme la fameuse bataille contre les Nightwalkers, justement, qui s'est déroulée dans un noir total. Puis je pense que je suis pas tout seul qui a pas apprécié ce côté-là. J'ai pas l'impression que tu as été tout seul, effectivement. C'est ça, c'est. Tu sais, tu passes un 45 minutes dans le noir total parce que tu vois pas grand-chose. Oui, peut-être que ça suppose certaines affaires, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es dans le noir tout le long pendant 45 minutes, ça devient un petit peu agaçant, là. C'est ça, un petit côté qui m'a déplu. Mais. Il faut que tu mettes en contexte le fait que ce sont des Night Walkers et que si on avait fait la bataille... Ça se faisait pas de jour. Ben, ça pouvait pas se faire de jour au départ. Mais si on l'avait fait avec, exemple, un éclairage plus propice, t'aurais pas vécu la même terreur et la même instabilité mentale de tous les personnages qui se défendaient sans voir à quoi ils étaient... sans savoir à quoi et sans voir quoi s'en venait vers eux. Moi, je pense que pour l'ambiance, c'est essentiel. D'accord. Continue. Oh, et moi, c'est le dernier bout que j'ai moins aimé, puis pas mal moins aimé, c'est le départ de Cersei et de Jaime. OK. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Le petit trip Roméo-Juliette, je sais que tu m'as fait part de ton opinion hors honte. Oui. Où ce que tu vois le château qui s'écroule tout autour d'eux, puis quand Tyrion vient pour les délivrer de là, t'as juste un petit tas de garnottes avec eux autres qui ont presque pas de graphing. Là. C'est comme, non. Ben, en fait, t'as vu le visage de Cersei et la main de métal ouais, de Jaime. C'est ça. La main de métal, c'est un peu... Ouais. Bon, moi, à ça, je répondrai. Ben, écoute, c'était les amants maudits. C'était frère et sœur. C'était les amants maudits. Jaime Lannister adorait plus que tout sa sœur, alors qu'elle l'aimait d'une façon très mauvaise. Et cette façon de mourir-là est devenue une espèce de je dirais, de... Je t'ai dit le mot tout à l'heure, là, j'ai un blanc de mémoire. Voyons... Pas de parabole. C'est quoi le mot? Aide-moi, Sinistro. Oui, ben... tu l'as dit, vous allez sur la langue bon, aussi. De toute façon, c'est une espèce de figure de style, si on veut, que ces deux-là se réunissent... Métaphore. Se réunissent à l'endroit où ils ont été les plus machiavéliques oui, effectivement, et meurent oui, là. Oui. T'sais? Moi, je fais juste dire que juste le côté qui meurt que j'aime pas. J'aurais aimé ça qu'il soit s'entretue ou que c'est... Ben, ce que la majorité des gens auraient voulu, c'est que Cersei soit torturée. Ouais. Ou que sa mort soit beaucoup plus lente et agonisante. Mais bon, je pense que c'était pas nécessaire parce que quand tu vois Daenerys qui se dirige vers sa tour, dans son regard, Cersei, on comprend qu'elle se dit ah ben là, je vais payer pour tous mes péchés. Je vais tout payer, c'est ben ça. Ouais. D'autres choses, d'autres oui, points. Oui, ben l'autre côté, la folie soudaine de Daenerys. Ouais. Il aurait pu étirer un petit peu la sauce pour nous montrer vers où ce que ça en va. ça s'est fait one shot. Non, je suis pas d'accord, Sinistros. Parce que si t'avais suivi mon conseil, t'aurais vu que depuis le moment où elle était devenue Khaleesi avec Drogo, qui était sa reine, finalement, oui. Elle avait commencé, elle qui était, elle venait de se faire vendre par son propre frère, elle commençait à comprendre qu'elle pouvait regagner un certain pouvoir en étant la femme du Drogo, et que de cette façon-là, elle pouvait repenser à avoir certains privilèges. Et de fil en aiguille, Drogo est mort, s'est fait assassiner, elle est devenue quand même Khaleesi. Et elle a réussi, avec son pouvoir à la résistance aux flammes, à s'imposer envers ce peuple. Et de fil en aiguille, ces dragons sont venus au monde et elle a compris que le pouvoir, c'était vachement cool. Et qui plus est, c'est une Targaryen, oui. C'était la sœur du prince fou, oui, oui. Et la fille du roi fou. Oui. Donc, dès le moment, je pense qu'on était tous en droit de se dire que les gènes pouvaient revenir éventuellement et contrôler cette fille-là. Et je crois que ça le montre très clairement du moment où elle va libérer les Immaculés. Et on voit à ce moment-là que déjà là, elle a une avidité pour ce pouvoir et que à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Donc, moi, je pense que à la 8e saison, ce qu'on a vu quand elle pète les plombs, c'est le déclenchement. C'est simplement la conclusion de cette folie de pouvoir qu'elle a eue. Moi, personnellement... T'as trop de points? Non, c'est correct. Non? Moi, personnellement, j'ai trouvé que cette 8e saison-là, de 6 épisodes, premièrement, faut pas se leurrer, c'est pas 6 épisodes, c'est pas moins que la 7e. C'est pas moins que la 7e. C'est le même nombre de minutages à peu près. Là. Parce qu'on s'entend qu'il y a il y a un épisode de 1h20, puis deux épisodes de 1h30 environ. C'est un minutage qui s'équivaut, oh, ouais, et presque ça. Aux saisons régulières aussi. Donc, on nous a pas vraiment rien enlevé dans les faits. On les a plus présentés comme étant des téléfilms, d'une certaine façon, pour la longueur. Moi, j'ai trouvé que c'était une conclusion qui était absolument à la hauteur. Ah, la fin était super. Moi, je parle de la conclusion, la saison en entier, la 8e. J'ai trouvé que c'était une conclusion qui était absolument à la hauteur de ce qui était. Ben, mes attentes, non, parce que j'avais pas d'attente avec Game of Thrones. Parce que, comme je l'ai dit dans ma chronique, que je vous invite à aller lire sur réanimationad.com, Game of Thrones a énormément de qualités, comme entre autres le scénario, comme entre autres le casting, le role-playing est génial. L'imagerie, le graphique est bon, mais sa qualité principale est son imprévisibilité. Oh, oui, et d'une fois à l'autre... Il y a des rebondissements. Constamment. Et c'est pour ça que je disais, je n'avais pas vraiment l'attente, parce que je me disais, de toute manière, ils vont me surprendre. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire encore une fois dans ces 6 derniers épisodes-là. Surtout le dernier, pour ma part. Ben, c'est vraiment... Oui, le dernier était très bon. C'était une grosse surprise. Disons que je trouve qu'on venait vraiment de boucler la boucle. On bouclait la boucle de façon très correcte. Et j'ai trouvé que cette série-là, était littéralement un chef-d'œuvre. Oh, absolument. C'est probablement ce qui a été poussé de plus loin au niveau de la production télévisuelle. Et probablement inégalé jusqu'à présent. C'est vraiment quelque chose de génial. Tu sais que l'acteur, entre autres, qui a fait Joffrey, a littéralement dit « c'est la pire décision de ma vie d'avoir accepté ce rôle-là. » Il s'est fait pratiquement lapider. Oh, là. Oh, oh. Il a quitté le acting et tout ça. Je pense qu'il a fait nos études. Oh, absolument. Oui. Je ne sais même pas si c'est pas exilé, d'ailleurs. Et ce que je trouve encore plus aberrant dans toute cette histoire de finalité-là, c'est qu'on a rendu à peu près 1 million de signatures dans une pétition. Ça, je trouve ça stupide. Là. Pour obliger les producteurs à refaire la 8e saison. T'es pas content, t'es pas content. Who the hell do you think you are? Non, mais c'est complètement ridicule. Vous êtes à côté de vos pompes, vous, là. Tout ça parce que peut-être que cette génération-là a dit « Oh, mais s'il n'y a pas de happy ending. Ben, » Moi, je voulais qu'il veut heureux et beaucoup d'enfants. Ce qui m'amène à revoir ce que tu m'as expliqué, ouais. Et le conseil que tu m'as donné au départ, c'est de réécouter la série au complet. Ah, il le faut. Mais là, ce coup-là, ça va de la réécouter au grand complet, oui. Avec la finale aussi. Ah, ben oui, ben oui. Parce que, tu sais, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses, il y a tellement de détails qui se perdent avec... Parce qu'on a quand même attendu presque 18 mois, si c'est pas 20 mois, c'est pour c'est la... C'était long. Donc, moi, je me suis dit... cet hiver, je me la surtapais avec ma blonde au complet. J'ai dit, waouh, ça, j'avais pas vu ça. Waouh, là, je comprends pourquoi telle chose. Et en fait, j'aurais peut-être même dû l'écouter trois fois pour être encore plus convaincu. Je trouve que c'est une bonne chose à faire. C'est pas une obligation, mais si vous vous sentez un peu moins le truc en franc mémoire, refaites-le. Moi, définitivement, j'ai trouvé ça génial. Mais t'as le droit à ton opinion, mais peut-être qu'elle va changer en le réécoutant. Peut-être. Ça tombe jamais. C'est comme je l'ai dit en début de chronique. Moi, je l'ai écouté avec mes yeux de sourd. De sourd, effectivement. de personne qui l'a écouté une seule fois, tu sais, de A à Z. Ouais. Puis oui, peut-être que j'avais beaucoup d'attentes envers cette dernière saison-là. Puis peut-être que ces attentes-là, ils ont pas été comblées ou j'ai peut-être mal compris. Ben, tu sais, c'est comme l'écoute de musicale. C'est ça. Il y a des fois, tu vas prendre un album, tu vas dire, moi, j'aime pas ça. Des fois, tu vas revenir deux mois après, tu vas dire, ah, ben finalement, c'est pas mauvais. Des fois, il y a un déclic différemment. C'est une question de mood aussi, de contexte, hein. Dans le moment où tu vas te prêter une écoute particulière, que ce soit musical, cinéma, peu importe, t'es peut-être moins prédisposé que d'autres fois, mais à certains moments donné, tu vas dire, ah, ouais, dans le fond, j'avais pas vu ça comme ça. Anyway, je te le souhaite de le faire. Je te le souhaite de le faire. Bon, ça va pas être un gros clash, finalement, on s'en excuse. Mais non. On fait jamais ça. Jamais. On va continuer musicalement cette fois-ci avec deux... Ben, c'est un bloc court de deux formations. Par contre, c'est assez intense, je dois le dire. 8 minutes 25 d'intensité. Ah oui, pur et dur. On va entendre, entre autres, de Queensland en Australie, Portal, un des groupes les plus extrêmes que je connaisse. Oh, c'est très extrême. Mais allons-y tout de suite avec de Floride, Hate Eternal et l'excellente Hell in Venom. Vous êtes à réanimation. wow, définitivement, ça arrache. C'est... Ah, bon, quelque chose. Hein? Ah, j'adore ça. Portal d'Australie, de Queensland. La pièce de Backwards qu'on retrouve sur leur quatrième album, Vex of Void, qui est paru le 19 février 2013 sur Profound Lowry. C'est vraiment extrême et extrêmement cool. Et juste avant, nous avions de Floride, Tampa, Eight Eternal et Hell in Venom. Pièce d'ouverture de mon album préféré encore jusqu'à à ce jour, Fear and Flames. Le 9e paru le 18 février 2008 sur Metal Blade. On vous rappelle que c'est la dernière édition de réanimation avant septembre, mais ça ne nous empêche pas de plugger nos amis. Bien sûr! Ce vendredi, ici même, assez fou, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique avec notre ami Alain Lefebvre, le Rockmaster, de 11h à 17h. Le Rockmaster vous présentera une émission dite régulière, mais avec énormément de nouveautés cette semaine. Aussi, l'émission de notre ami DJ Tower of Death, Subversion, tous les deux vendredis sur SoundCloud, ainsi qu'en rediffusion ici même à Réanimation, c'est fou.ca, tout de suite après la rediffusion de Réanimation, vendredi. Rediffusion de Réanimation qui n'auront peut-être pas lieu dans les prochains mois. C'est à voir, je devrais en discuter avec le Rockmaster à ce niveau-là, je n'ai aucune idée. Par contre, je ferai comme les dernières années, tous les deux semaines, je mettrai en ligne sur le site de Réanimation, AD.com, une capsule. Donc, Sinistros... Oui. Tu nous proposes quoi pour clore cette dernière édition flamboyante? L'antithèse de ton bloc que tu viens de présenter. Ben, ou presque. J'y vais dans la lenteur au lieu de la rapidité. Et dans la lourdeur. De la lourdeur. Bon petit bloc Doom. On va y aller avec Candlemas, The Sound of Dying Demons. On va y aller avec Solitude Eternus. Solitude Eternus. Oui. Qui était le chanteur Rob Lowe. Oui. Dans Candlemas. Et qu'est-ce qui relie ces deux groupes-là? Eh bien, Crux qui a dans son... Dans, je connais pas le band ben, Crux, Crocs. C'est Crux ou Cracks. Crocs. Crocs. C'est Crocs. Qui mettent en vedette Life Aid League, bassiste de Candlemas. Ah! Et le chanteur de Candlemas, dont j'oublie le nom, qui a joué sur les deux derniers mini-albums. D'accord. Donc, c'est quoi son nom? Matt Levin. Matt Levin. C'est ça, c'est vrai. Alors, Solitude Eternus, Phantoms, et on se quitte avec Crux Black Room. On commence tout de suite ce dernier bloc de la saison de Candlemas. N'oubliez pas, nous serons de retour en septembre. Vous serez visé sur le site de réanimationad.com ainsi que sur le site de cfou.ca pour la date exacte de retour qui devrait être autour de la mi-septembre. Ne manquez pas, Hurlemort est revenu sur la map. Bon. Ça s'en vient tranquillement, mais pas vite. D'accord, mais lentement, mais sûrement. Eh bien, on se retrouve. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est... The sound of dawn.